Cours numéro 31. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? Tfadda. Isma al-Mujib wal-Majid. Naam. فما معنى اسم المجيب زيد نعم أن الله سبحانه وتعالى يجيب الداعي إذا دعاه ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه دونك الله سبحانه وتعالى سأل مجيب والمجيد معنى المجيد تفضل نعم نعم قريب من اسم العظيم في المعنى فله صفة المجد عز وجل ما الدليل على اسم المتكبر؟ الملك نعم المتكبر فهذا دليل أن من أسماء الله عز وجل المتكبر قال رحمه الله المحيط أي من أسماء الله عز وجل المحيط والدليل قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا كما في الحاشية دونك هذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى المحيط بكل شيء علما المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا وهذه المعاني تقدمت معنا أن الله سبحانه وتعالى أحاط بخلقه عز وجل. On avait détaillé هذه المعاني عند اسم الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن. On avait expliqué ما يتعلق بالإحاطة. والإحاطة في اللغة كما قال الزجاجي إلى كتاب طيب رحمة الله عليه في اشتقاق أسماء الله هذا الكتاب ستستفيد منه par rapport à la langue arabe أي le sens des noms linguistiquement مثلا المحيط ça vient de l'إحاطة et c'est quoi l'إحاطة en langue arabe et الزجاجي رحمة الله عليه il explique face à un kitab طيب اشتقاق أسماء الله الاشتقاق c'est la base de ce nom il vient d'où en langue arabe مثلا الرحيم لا شك ça vient de الرحمة المحيط ça vient de l'إحاطة هذا الكتاب il est طيب من حيث اللغة يسد تعريف طيبة فقال الزجاجي رحمه الله المحيط في اللغة اسم الفاعل من قولهم أحاط فلان بالشيء فهو محيط به إذا استولى عليه وضم جميع أقطاره ونواحيه أحاط فلان بالشيء أي استولى عليه وضم جميع أقطاره ونواحيه أي سلفد الإنسان يستولي على الشيء أي لا يريد أن conquérir une chose à prendre une chose قال حتى لا يمكن التخلص منه فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها زي رمحكي ثم يفي لليان avec le nom d'Allah سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته الله سبحانه وتعالى سير محيط لماذا لأن il est capable de tout et c'est lui qui a tout décrété C'est lui qui a guidé ceux qui sont guidés. C'est lui qui a égaré ceux qui sont égarés. قال لا يمكن شيء لا يمكن شيء منها الخروج عن إرادته. C'est le muhit, subhanahu wa ta'ala, et rien ne peut sortir de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Aïe, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé, il a décrété, il a voulu que telle chose, elle soit ainsi, personne ne peut faire autrement. Maintenant, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a égaré un homme ou une femme, personne ne peut guider cet homme ou cette femme. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé telle personne avec la pauvreté, personne ne pourra l'enrichir. وَلَوْ يَتَعَوَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Personne ne pourra lui être utile. لِمَاذَا لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى c'est le muhit. Et tout le monde est تحت حُكْمِهِ عَزَّ وَجَلْ. قَالَ وَلَا يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٍ. انتهى. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Dans un autre passage de ce livre, فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته كما تقدم فلا يمكن شيء منها الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء هذا من لسته وقد قال الله عز وجل أحاط بكل شيء علما أي علم كل شيء على حقيقته. Vous avez remarqué le lien entre ce nom المحيط et اسم القدير اسم العليم. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما أي سيتو وقدرة أي personne ne peut sortir de la volonté d'Allah عز وجل. أي الله il fait ce qu'il veut, s'il a décidé d'une chose ça ne sera pas autrement. Et كذلك قهرا أي tout le monde est تحت ملك الله وفي ملك الله أو تحت سلطان الله عز وجل. أي الإنسان il fait pas ce qu'il veut. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو معنى هذا الاسم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر السواعق قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه. هذا سبيل الإجماع أن الله عز وجل il est au-dessus de ses créatures. وتقدم معنى هذا في اسم هذا. Quel nom on a étudié ensemble qui montre ce sens? Ahsant al-Aliyu wal-A'la. Un autre nom? Al-Zahir. Ahsant. Qala fa huwa jami'u. Qala. Na'am, na'id. Anna Allah ta'ala alin ala khalqih. Alin, ay min al-ulu. Ay Allah il est au-dessus. Fawqa jami' al-makhlouqat. وهو القاهر فوق عباده وهو مستو على عرشه الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق السماوات كلها. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de toutes les créatures كما جاء في الحديث. قال فهو سبحانه محيط بالعالم كله. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de toutes ces créatures, et il est akbar, et il est a'zam, comme on a dit, c'est l'azim, c'est l'kabir, c'est l'akbar, subhanah, et muhitun bi hada al-alam kulli, et toutes les créatures. Il les voit tous, il sait tous, et il sait ce que toutes les créatures elles font, il les voit, il les entend, c'est lui qui juge, c'est lui qui gère. Voilà, chaque fois que tu as compris toutes ces ma'anis, tu comprendras un ma'ana ism al-muhit. Est-ce que quelqu'un peut échapper à la mort? Abadan. Est-ce que quelqu'un peut sortir min mulkillahi azza wa jal, se sauver, aller dans un autre mulk? Abadan. Al mulk lillah azza wa jal jami'a. Aina al mafar? Kama qala azza wa jal. Est-ce que quelqu'un pourra échapper à yawm al qiyamah, se sauver dans un endroit, il ne rendra pas des comptes? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Fahuwa ahata bi kulli shay'in ilma. والله محيط بالكافرين dans l'autre verset. الله محيط بالكافرين. C'est pour ça que هذا المعنى العظيم يفيد المؤمن des فوائد عظيمة. Et c'est الثمرة de هذا الاسم qu'on a cité. في اسم الرقيب, اسم العليم, اسم السميع. هنا ça sera le même sens. أي أن العبد s'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le محيط, Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut de lui et forcément il rendra des comptes à hadha al-abd, fa la shak, ça va le pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La shak, ça va le pousser à avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La shak, que ça va pousser hadha al-abd à se préparer, à faire attention à ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il croit. Limadha? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi hadha al-abd wa bi jami' al-ibad. Il est au-dessus de son trône et c'est le muhit subhanahu wa ta'ala. Kadhalik taqaddam ma'na ism al-qarib. Allah, il est au-dessus et il est qarib. Ay bi ilmihi. Il voit tout et il entend tout. Fahada ma yata'alaq bi hadha al-ism. On répète kalam al-shaykh Sa'di rahimahullah, al-muhit bi kulli shay'in ilma. وقدرة ورحمة وقهرة كذلك قوله ورحمة أي الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء كما أخبر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عكيف هذا سننبس كذلك si on a compris هذا الاسم à ne pas désespérer الله c'est le muhit n'importe quel péché que l'insan il a fait tant qu'il est vivant الله c'est le muhit ne désespère pas. Si tu fais tawbah, fa sa miséricorde, sa rahma, tu en profiteras. Bi idnihi jalla wa ala. Qala rahimahullah, al-mudhil wal-mu'iz, hada taqaddam ma'ana. Anna hadhihi al-asma ghayr thabita lillahi azza wa jall, ma na'lam dalilan 'alayha kama qala ba'd ahli al-'ilm. Eh, la shak anna min صفات الله عز وجل أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. Il y a beaucoup de preuves في هذا المعنى وهذا تقدم معنا كما في الحاشية avec اسم الله عز وجل البسيط au début du livre. قال المصور وهذا تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى c'est الخالق c'est الباري c'est المصور وهذا كما قال تقدم معنا مع اسم الباري. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur et c'est le moussawwir. Et c'est lui qui façonne comme il veut. Il a créé telle chose petite, telle chose grande, telle chose de telle couleur, telle chose avec telle force, telle chose avec moins de force. Des créatures qui parlent, des créatures qui ne parlent pas. Des créatures qui bougent, des créatures qui ne bougent pas. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, c'est le moussawwir. Al-mu'iz, taqaddam. Al-mu'ti, wa hada kadhalik taqaddam. معنى أنه ثابت لله عز وجل هذا الاسم أي الله سبحانه وتعالى سلوي كدا. المعيد يبدئ ويعيد وهذا تقدم معنا يا كلك دروس تغسان أن هذا الاسم لا يثبت لله عز وجل لا نعلم دليلا أن المعيد من أسماء الله لكن c'est min sifat Allah azza wa jalla annahu yubdi wa yu'id. Al mughni hada kadhalik taqaddam avec ism al ghani. Ism al ghani, il y a aucun doute que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al mughni fa taqaddam ma'na an hada al ism yahtaj ila dalil. Al asma tawqifiyya wa la na'lam dalilan ala hada al ism. Ba'd al ulama ils l'ont cité et d'autres savants, ils ont démontré أنه من باب الإخبار من باب الإخبار من باب الصفة نعم أن الله سبحانه وتعالى c'est le مغني. Il enrichit qui veut, il donne à qui il veut. أما اسم فيحتاج إلى دليل. المغيث هذا الاسم on l'a pas encore vu et بعض العلماء ذكروا هذا الاسم المغيث من أسماء الله عز وجل لكن الذي يظهر سك il n'y a pas de دليل. Il y a des أدلة أن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه c'est le مغيث أي celui qui répond à celui qui lui demande خاصة هنا الغوث c'est بمعنى الشدة كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام الشيخ السعدي لكن هذا يفهم دليل. أما on répète أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه و beaucoup de noms d'Allah عز وجل sont cités فهذا il est ضعيف وكثير من العلماء اعتمدوا على هذا الحديث فلهذا il cite certains noms الحقيقة الحديث il est faible et tu trouves pas d'autres adillah. ولهذا ce genre de nom tu trouveras des savants qui disent نعم c'est un nom d'Allah en se basant en général sur le hadith faible et d'autres savants qui ont montré la faiblesse du hadith et qui disent انه لا بد من دليل. فهذا الاسم يحتاج الى دليل. فلهذا قال الامام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عليه في شرح النونية الظاهر انه وصف من اوصاف الله عز وجل الذي يظهر سكسي ان صفه c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mughith. Et on répète, les noms, il faut un délil clair. Avec hadal ism, Allah c'est le mughith. Comme on a vu dans tous les noms. Mathalan al-musawwir, on a un délil clair. Al-mu'ti, on a un hadith clair. Amma al-mughith, on a des textes. Fi hada, lakin, des textes qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala est l'attribut. أنه يغيث من يشاء سبحانه أما الاسم فكما قال شيخ العثيمين الظاهر c'est que c'est un attribut parmi les attributs d'Allah سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومن أسمائه المغيث وهو المنقذ من الشدائد الفادحة والكروب تقدم معنا في كتب التوحيد ولله الحمد والمنة تعريف الاستغاثة من يذكر أبو غابلي تفضل ما معنى طلب الغوث عندما تفضل نعم إزالة الشدة الاستعانة سي طلب العون سي ان دعاء que ça soit pour les une bonne chose ou une chose qui te fait du mal المهم tu demandes de l'aide à Allah c'est أعم et tu as الاستغاثة سي طلب الغوث الغوث سي الشده الكرب اي quelque chose de difficile de dur فتستغيث بالله tu demandes à Allah جل وعلا qui t'épargne le mal de cette chose ou qui te secourt ou qui enlève cette chose ou que cette chose elle ne te touche pas c'est ça طلب الغوث. قال رحمه الله ومن اسمائه المغيث وهو المنقذ المنقذ c'est celui qui sauve من الشدائد الفادحة والكروب الكروب جمع كرب الكرب سي الضيق سي quelque chose qui rend triste. ثم إلى ستة la parole d'Allah عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ça c'est من الكرب ظلمات البر والبحر celui qui se retrouve éprouvé que ça soit sur terre ou en mer. مثلا انسان il se retrouve dans un bateau في وسط البحر et ce bateau il risque de se retourner à cause du vent à cause des vagues voilà chaque هذا c'est un كرب شديد qui sait qui peut sauver هذا الانسان في هذا الحال قال عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر c'est Allah سبحانه وتعالى وحده لهذا الانسان اذا اصيب بكرب il est touché par une épreuve ça le rend triste ça lui fait du mal que ce soit dans son din ou fi dunya, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est al-mughith. C'est lui qui est capable de répondre à ce abd. قال فالمغيث يتعلق بالشدائد والمشقات. نعم. Quelque chose de chaque, c'est de difficile. فهو المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في الشدائد والكروبات. يطعم جائعهم الجائع c'est celui qui a faim الجوع قال ويكسو عاريهم العاري c'est celui qui n'a pas de vêtements الكسوة c'est le vêtement فمن يكسو هذا العاري c'est Allah سبحانه وتعالى قال ويخلص مكروبهم تقدم وينزل الغيث الغيث c'est المطر c'est la pluie لكن الغيث سمي غيثا أو غيث cette pluie لماذا لأنها تنفع c'est pour ça que بعض العلماء montrent la différence entre المطر والغيث أحيانا il pleut et il n'y a aucun profit pour l'être humain بل c'est من العذاب ربما ça détruit des maisons ربما des inondations إلى آخره والغيث en général c'est nafi'. C'est pour ça que الحقيقة, si tu regardes, c'est le même asl, al-ghouth wa al-ghayth. لماذا لأن الغيث cette pluie elle va enlever une shidda. En général, cette pluie qui est bénéfique, c'est une source de bonheur et de raha pour l'abd. Il n'y aura plus de sécheresse, les bêtes elles vont manger, l'économie elle va aller mieux, il a akhiré. Masalih al-ibad al-dunyawiyya sont liées à la pluie, à l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yunazzil al-ghayth. Qala alayhim fi waqt ad-darura wal-haja wa kadhalik yujibu ighathatha al-lahafan. أي دعاء من دعا في حالة اللهف والشدة والاضطرار أي أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui répond quand l'insan il est في اضطرار il est dans une situation critique ou difficile ou il a un énorme besoin d'une chose c'est Allah سبحانه وتعالى qui est capable de lui répondre قال فمن استغاثه أغاثه et c'est ça الثمرة. Si tu as compris, أن الله سبحانه وتعالى c'est le mughith, et c'est lui qui répond au abd quand il lui demande, quand ce serviteur il est dans une mauvaise situation et il demande à Allah عز وجل, فتستفيد من هذا أن لا شك أن tu seras éprouvé في هذه الدنيا. La première cause qu'on doit faire, c'est الدعاء. Que ce soit la pauvreté, que ce soit tu as subi une injustice, que ce soit une maladie, que ce soit une chose que tu n'arrives pas à faire, demande à Allah سبحانه وتعالى. قال وفي الكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكروبات وإزالته الشدائد وتيسيره للعسير. التيسير c'est rendre une chose facile. والعسير ça ressemble au mot بل c'est la même base. العسر إنما العسر يسرى. فالعسير c'est quelque chose de difficile. يوم عسر أي un jour difficile. قال كثير قال وتيسيره للعسير شيء كثير جدا معروف أي في القرآن والسنة. Beaucoup d'exemples, beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadith du prophète صلى الله عليه وسلم في ذكر تفريج الله سبحانه وتعالى للكروبات. الله سبحانه وتعالى il a sauvé beaucoup de croyants, il a répondu à beaucoup de croyants. L'histoire de Moussa عليه الصلاة والسلام avec Pharaon. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a noyé Pharaon, l'histoire de Ayyub, quand Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guéri, alayhi salatu wassalam, l'histoire de Yusuf, l'histoire de Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tout ça c'est min tafrij illahi subhanahu wa ta'ala. Et هذا الاسم, les thamarat c'est les mêmes que al-mujib. Al-mujib c'est celui qui répond, et l'ism il est thabit, et al-mughith, il n'y a pas de délai à la hadal ism, mais le sens là, chaque il est juste, et al-mughith, c'est par rapport à la difficulté. Al-mujib, c'est plus global. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah, al-muqaddimu wal-mu'akhir. Qala fil hashiya, kana min akhir ma yaqulu al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-tashahudi wa al-taslim. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث عظيم أولا تستفيد من هذا ne pas négliger ce moment بين التشهد والتسليم. السنة c'est de réciter التحيات ثم de faire الصلاة sur le prophète محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره ثم si tu es tout seul فالحمد لله tu peux prolonger كما شئت et si tu es derrière l'imam en général il reste un peu de temps profite-en pour faire الدعاء. هذا الوقت سي ان وقت ان الله سبحانه وتعالى يغيبون سي با ان مومون كوم لي زوتر سي ان مومون او لانفوكاسيون الي اكزوسي باذن الله عز وجل وكم من الناس سون في غفله بعضهم تو لي فوا كليرمون في الصلاه انهم après As-Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et en haqiqa, c'est à cause de leur ignorance, ils ne savent pas, ils pensent qu'il n'y a plus rien à dire. Hatta ba'dhum, ils ne lèvent plus le doigt, et tu les vois clairement, annahum, ils disent plus rien. Les malades, annahum, ils pensent que c'est fini. Et ba'dhum, ashaddu min dhalik, annahum, ils disent pas de dua à ce moment, et quand ils font as-salam, at-taslim plutôt, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, directement ils font de dua. Alors que c'est pas un moment pour le dua, c'est un moment pour le dhikr. وهكذا l'ignorance est ashaddu min dhalik, celui qui ne veut pas écouter les conseils, ne veut pas écouter le haq, il s'écartera des sunnan et en général il fera des bid'a. Il y en a celui qui ne fait pas de sunna et s'il veut adorer Allah azza wa jalla sans appliquer sunna, il fera forcément une bid'a. Il y en a le bid'a, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre sunna. Et si cet être humain, cet homme, cette femme, ils veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَابُدْ مِنِ اتِّبَعَ السُنَّةِ. Si je ne suis pas sunna, فَلَا شَكَ أَنَّهُ il fera des bid'a. Et tu as un exemple jali bihada avec ce mid'a. Donc on néglige pas ce moment. Et quand tu es tout seul, فَلَا بَسْ مِنْ شَيْ مِنَ التَّطْوِيلِ, ne te précipite pas. فَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. Et celui qui dit hada du'a, khasatan, en le comprenant, en méditant, bah c'est encore mieux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le disait, c'est une sunnah. Celui qui ne connaît pas ce du'a, ou il fait d'autres ad'iya, l'essentiel c'est de faire ad-du'a. Allahumma ghfir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart. Ça s'englobe tous les dhunub. Ma qaddamt wa ma akhart, les péchés passés, les péchés à venir, wa ma asrart, et ce que j'ai caché. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى معصوم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. Et ça c'est un dua عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا tu as fait un péché, tu oublies de faire توبة ou l'istighfar. Ça arrive. Ou أنت ربما tu te rendais même pas compte de la gravité. فبهذا الدعاء tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne même les choses que tu ne savais pas ou que tu as oublié. Ça arrive. Si tu fais du'a que pour les choses que tu te rappelles, beaucoup de choses tu vas délaisser là. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala les fautes qui te pardonne les fautes que tu as commises et les fautes que tu as commises et tu as oublié. Allah subhanahu wa ta'ala il est a'lam mink. Ça englobe en haqiqa هذا الدعاء جميع الذنوب. Tous les péchés. وَأَنْتَ قَالَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. وَخَتَمَ هَذَا الدُّعَاء الْعَظِيمَ avec التوحيد لا إله إلا أنت. Et الشاهد منه c'est قوله عليه الصلاة والسلام أنت المقدم وأنت المؤخر. Le hadith il est sahih, il est sahih muslim. Donc ces deux noms, on a bien un dalil authentique qui prouve que Allah c'est le مقدم et c'est le مؤخر. قال الشيخ سعدي رحمه الله المقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا تقدم معنا dans plusieurs noms. أن الله عز وجل certains noms مزدوجة. Ça veut dire quoi مزدوجة? Et tu peux pas citer un sans l'autre. فسي تجي الله المقدم تجي المؤخر. لماذا؟ لأن الكمال يحصل باجتماع الاسمين. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت المقدم وأنت المؤخر. وهذا تقدم معنا avec certains noms الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر. قال وهنا وهذا التقديم يكون كونيا. التقديم أي الله سبحانه وتعالى المقدم. المقدم ça vient du mot تقديم. تقديم c'est le fait de faire avancer une chose. مثلا tu dis à واحد تقدم. تقدم ça veut dire avance. On cherche un imam, on est plusieurs, on ne sait pas qui c'est qui va faire imam, et on dit à un frère, taqaddam, et avance. Et nous, on est derrière. Ça, c'est ma'na al-taqdim. Donc Allah, c'est al-muqaddim. Et c'est lui qui fait avancer. Et c'est le mu'akhir. Le mu'akhir, c'est l'inverse. Le taqdim, c'est avancer. Le ta'khir, c'est le fait de reculer. Enfin, qui c'est qui élève hada, qui rabaisse hada, qui guide hada, qui égare hada, qui fait comprendre hada et qui ne fait pas comprendre hada? C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui le muqaddim, c'est lui le mu'akhir. Qala, wa hada taqdim, yakun kawniyan. Tu as deux taqdim. Tu as un qui est kawni et tu as un autre qui est shara'i. Le premier, يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأثير بعضها على بعض وكتقديم الأسباب على مسبباتها أو مسبباتها والشروط على مشروطاتها. أي الله سبحانه وتعالى سالمقدم ويقدم بعض المخلوقات على على على الأخرى. مثلا tel makhlouq, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné telle chose, un autre il lui a pas donné. Qui c'est qui qaddam hada ala hada? Pourquoi cet être humain il a plus que celui-là? Que ce soit la bonne santé, que ce soit l'argent. On est fi al-umur al-kawniya al-an. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. Tu vois, احيانا, insan, un être humain qui est malade, il n'a pas fait de sabab, il n'a pas pris mathalan de médicaments, il n'est pas parti au médecin, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guérit. Tu trouves un autre, Allah subhanahu wa ta'ala, yuqaddim al-shifa ala sabab. La guérison, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait devancer la guérison à la cause. Ahyanan, c'est l'ex. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mu'akhir. Un autre qui est malade et qui fait toutes les causes. Il va voir tel médecin, il va dans tel hôpital, il prend des remèdes, des médicaments, Robama, il se fait opérer, il est toujours malade. Man akhara al-shifa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas voulu le guérir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-hakim. Et tout ça, bien sûr, c'est fondé sur la sagesse. Hada, ma'na qawlihi, al-muqaddim, ay al-taqdim al-kawni. Qala wa anwa'u al-taqdim wa al-ta'khir fi al-khalq. والتقدير بحر لا ساحل له. نعم التقدير c'est Allah سبحانه وتعالى qui fait ce qu'il veut. Allah سبحانه وتعالى qui a tout décrété. ويكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض وفضل بعض عباده على بعض. Ça c'est التقديم الشرعي. مثلا هذا il a plus de علم qu'un autre. Qui c'est qui a élevé le premier par rapport au deuxième? C'est Allah Azza wa Jal. Qui c'est qui a fait de tel être humain, ou certains êtres humains, c'est devenu des prophètes, des rasouls, alayhim as-salatu wassalam, et d'autres non. Qui c'est qui a élevé les prophètes sur les autres êtres humains? C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui al-muqaddim. Et on a des exemples, shara'an, et tout ce qui est lié au ilm, la guider, etc. Qala, wa qaddamahum fil ilm. والإيمان والعمل والأخلاق والسائر الأوصاف وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع لحكمته. الله سبحانه وتعالى يلف كي veut يغبس كي veut. Si tu as compris هذه المعاني العظيمة ففي الحقيقة هذا سعلاج طيب contre الحسد. Ça c'est un remède très très efficace pour repousser la jalousie. Pourquoi être jaloux de ton frère alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné? Tu trouveras d'aïman quelqu'un qui a plus de ilm que toi. Quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Quelqu'un qui comprend mieux que toi. Dans toutes tes caractéristiques, tu trouveras quelqu'un qui a plus. Que ce soit ton physique, que ce soit ton dîn, que ce soit le comportement. بعض الناس ils oublient مثل هذه المعاني ça les pousse à être jaloux عيدا بالله بل يتمنون إزالة النعمة عن هذا الأخ. Et ça c'est grave. C'est pour ça que la jalousie c'est un très très grave péché. أما celui qui a compris أن الله c'est le مقدم c'est le مؤخر. C'est Allah سبحانه وتعالى qui a élevé هذا الشخص. Pourquoi être jaloux? Pourquoi espérer que هذا الإنسان il a plus cette chose alors que c'est Allah qui lui a donné? C'est pour ça que يقولون أن الحاسد سأعدو من أعداء نعم الله عز وجل. Celui qui est jaloux, c'est un ennemi des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'envie et vouloir que ça disparaisse, alors que c'est Allah qui lui a donné. هذا الحقيقة سعيداج طيب. إذا دخل شيء من هذا في قلبك شيء من الحسد يعني بالابغي أبدا بل l'être humain en général il a هذا الوصف لكن on repousse. Tu te rappelles أن الله عز وجل il lui a donné. Et ça doit te pousser à faire les efforts. Si Allah lui a donné, كما قال الشيخ سعدي رحمه الله وكل هذا تبع لحكمته. Allah c'est le Hakim. S'il lui a donné plus que toi, il y a une raison. Tu la connais ou tu la connais pas. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. S'il a donné plus, c'est qu'il mérite. Donc fais les causes. S'il a plus de ilm que toi, c'est qu'il a donné plus de temps. Amma, il était comme toi au départ, vous étiez pareil. Quand vous étiez enfant, bébé, vous étiez pareil. Il ne savait pas parler, tu ne savais pas parler. Il ne comprenait pas, tu ne comprenais pas. L'imam là, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il a beaucoup plus de ilm que toi, l'imam. C'est les efforts. Et bien sûr, Bardanas, ils ont plus de facilité à comprendre, il a arrêté, lakin, ijtahid, fais des efforts et tu seras à l'akhir. Et si tu fais des efforts, tu trouveras daïman quelqu'un qui a plus que toi, Alhamdulillah, Allah c'est le hakim. Rabbama, tu aurais comme il a, peut-être que ça te ferait du mal. Peut-être que ça te pousserait à vouloir te montrer, peut-être. Alhamdulillah, l'insan, tant qu'il fait du khair. Et il est sincère, il est à la khair. Ça ne sert à rien de d'aïman regarder les autres. Alors, les gens, ils s'oublient eux-mêmes et ils regardent les autres. Regarder les autres, ça pousse à l'ostentation, ça pousse à la jalousie. Ça pousse kadalik à ne plus profiter de la ni'ma que tu as. Profite de la ni'ma que tu as. Alhamdulillah, Allah il t'a donné. Certains, ils n'ont rien. Certains, ils n'ont ni ilm, ni guidé, ni rien. Iyadam billah. Hada, c'est min thamarat hada l'ism. ثم قال وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما أي أنه يقدم ويؤخر فالله سبحانه وتعالى إلى سيدون المقدم المؤخر حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم la preuve et de ces deux noms bien sûr. Tu comprends que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de at-taqdim wa at-ta'khir. Azza wa jal kama taqaddam. Comme on vient de lire ensemble. Et ces deux attributs, قال الشيخ سعدي من الصفات الذاتية. C'est des attributs ذاتية. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a toujours eu, il les aura toujours. Wa min الصفات الأفعال. لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات. ذواتها وأفعالها ومعانيها وأوصافها وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته. C'est qui peut nous expliquer لماذا أو le kalam de Cheikh Saadi. Il a montré que التقديم والتأخير c'est deux صفات d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est من الصفات الفعلية كذلك الذاتية الله les a toujours eu et كذلك c'est des صفات فعلية et il a cité هذه الأمثلة عند من tu dois avoir compris les أمثلة qu'il a cité tu dois avoir compris c'est quoi une صفة فعلية هذا تقدم معنا في القواعد المتلى عند من تفضل أحسنت لماذا لأن الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة أي si الله سبحانه وتعالى il veut il élève un tel il fait que fulan il devance fulan il fait que fulan il est retardé dans telle chose Allah il lui donne pas ou il lui donne moins là chacun a ce صفة فعلية لماذا لأن c'est par rapport à l'être humain. قال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها لا شك أن صفة فعلية لأن peut-être que Allah سبحانه وتعالى demain il va قدم un tel si c'est demain c'est que c'est une صفة فعلية c'est lié à مشيئة الله سبحانه وتعالى فلهذا قال متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها لا شك أن المخلوقات c'est des مخلوقات Ils ont été créés, ils n'existaient pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire ce fi'l par rapport à ce makhlouq. À un moment donné, c'est une sifa fi'liya. Amma sifatu dhat, Allah il l'a toujours, il l'aura toujours. Qala, fa hadha huwa at-taqsim as-sahih. Li sifati al-bari, wa inna sifati dhat, muta'alliqatun bil-dhat, wa sifati af'alihi, min muttasifihi biha, min متصفه نعم كانه من متصف بها الذات ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال وهذا تقدم ceux qui n'ont pas étudié القواعد المثلى ربما يشكل عليهم مثل هذا الكلام أو ils auront du mal à le comprendre لكن ceux qui ont étudié معنى القواعد المثلى de Cheikh Ibn Uthaymeen les règles dans les noms et les attributs on avait détaillé هذا أن une sifa ça peut être une sifa ذاتيه الله il l'a toujours eu مثلا صفه الكلام الله il l'a toujours eu ثم الله سبحانه وتعالى il parle quand il veut c'est une sifa فعليه c'est une sifa ذاتيه الله il l'a toujours eu et c'est une sifa فعليه elle est متعلقه بالمشيئه الله il parle à qui il veut quand il veut comme il veut هكذا صفه التقديم والتاخير الله il l'a toujours eu ça a toujours été المتقدم المقدم المؤخر بلطو لماذا لأن الله عز وجل عز وجل Et il élèvera un autre peuple dans deux jours, dans une semaine, dans un an. Dans... Allah, il fait ce qu'il veut. Fahada. Et on a venu voir le kalam ahli al-ilm. L'imam Nabil Izz, il a un kalam jamil fi hada, fi sharh al-tahawiyya. Cheikh Mohamed Aman, al-Jami, rahmatullah alayhi, il a un kalam jamil fi al-sifat al-ilahiyya. Et d'autres, Cheikh al-Harras, fi sharh al-wasitiyya, et kathir min al-ulama, ils ont démontré hada. Wallahu a'lam. Nakmil. هذا الدرس en lisant une parole نافعه طيبه de l'imam ibn al-qayyim rahmatullah alayh et في الحقيقه c'est الثمره si tu as compris ان الله عز وجل c'est المقدم المؤخر فاسمع هذا الكلام الامام al-qayyim rahimahullah il a montré l'importance de connaître le sens de ces noms et l'impact que ça a dans la vie du mu'min. Avant de lire son kalam, voilà, chacun a, si tu as compris, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-muqaddim al-mu'akhir, ça va te pousser à placer ta confiance en Allah azza wa jal. Kadalik, à lui demander. Il y en a celui qui élève, celui qui rabaisse, celui qui donne, celui qui reprend. Et kadalik, tu vas comprendre, en al-taqdim al-haqiqi, c'est fi dinillahi azza wa jal, et c'est fi ta'atillahi azza wa jal. Et c'est في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça, التقديم الحقيقي. On a une époque où beaucoup de gens ils parlent de التقديم. Et le fait d'avancer, le fait de progresser. Et بعض الناس, عيادا بالله, ils pensent que le fait d'adorer Allah عز وجل, de suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est une cause pour être retardé, pour ne pas progresser, pour ne pas avancer. C'est pour ça que Al-Kuffar, ils accusent les musulmans d'arriérer. لماذا لأنهم يبنسك الدنيا. Si tu sais en tant que Allah, c'est Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, et que Al-Taqdim, Nau'ayn, ou Ala Nau'ayn plutôt, Taqdim, Kouni, Al-Shar'i, et le plus important c'est Al-Shar'i, tu comprendras très vite en Al-Taqaddum. Taqaddum, c'est le fait de progresser, d'avancer. En fait, c'est pas que fi dunya. Bel at-taqaddum fi dunya sahl, ça peut être un bien si ça contredit pas les textes et ça peut être un très grand mal. Amma at-taqaddum ash-shar'i, c'est que du bien pour toi. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne min fadlih. Sahl si fi dunya tu n'as pas un rang élevé, tu n'as pas un haut statut comme certains, tu n'as pas beaucoup d'argent. Wa'd an-nas rubbama t'accuseront de ne pas être civilisé, d'être arriéré. هذا سهل. Ils font que te donner de leurs hasanats. S'ils n'ont pas de hasanats, inshallah, ils t'allégeront tes péchés يوم القيامة. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala هذا التقدم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève بالعلم. كما قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Deux choses. Et c'est ça le taqaddum al-haqiqi. Tu veux vraiment avancer, progresser. Fi dunya wal akhirah, c'est deux choses. Al-iman, la foi. Et la base de هذا الإيمان, c'est les noms d'Allah عز وجل et ses attributs. En étudiant ce genre de livre et la croyance des salaf. Et al-ilm, la science, al-Qur'an ou al-Sunnah. Et la base de la science, c'est la science des noms d'Allah et de ses attributs. Donc que ce soit l'ilm ou l'iman, c'est les noms d'Allah et les attributs, la base. Enfin, si tu veux être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé, donne du temps et fais des efforts fi hadha al-bab al-azim. Apprendre la croyance des salaf. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فالعبد سائر لا واقف. تأمل هذا, العبد سائر لا واقف, أي ça existe pas un être humain qui est à l'arrêt. Tout le monde avance, إما dans le bon chemin, إما dans le mauvais chemin. Ça existe pas واحد il est neutre. فريق في الجنة وفريق في السعير. C'est pour ça que Yom Qiyamah, il n'y a pas une troisième demeure. Comment ça y a-t-il une kalam de l'Qayyim? Imma l'insan, il est guidé, il rentrera fil jannah. Imma ayyadam billah, il est à la shur, il rentrera fil nar. Et bien sûr, aqidat al-sunnah, certains qui étaient à la shur, ils avaient une partie de bien. Donc, après un passage fil nar, ils rentreront fil jannah. Et certains qui ont du mal, Allah, il leur pardonnera, ils rentreront directement fil jannah. Lakin min hayth al-khuloud, l'éternité, il n'y a que deux demeures. Il n'y a pas de troisième. فقال رحمه الله فإما إلى فوق وإما إلى أسفل وإما إلى أمام وإما إلى وراء. Tout le monde avance. إما t'avances tout droit, le bon chemin. إما t'avances, عيادن بالله, العكس, à reculons. إما à droite, إما à gauche. Le bout de l'insan, il se déplace. Et pour vous faciliter هذا, l'âge. Tout le monde prend de l'âge. Est-ce qu'un être, ça existe un être humain qui ne prend pas d'âge? Là, tout le monde, chaque jour, c'est une durée de notre vie qui passe. Tout le monde est concerné. قال وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة. Dans la charia et tout ce qu'il y a au din, et dans la tabi'a et les créatures, il n'y a pas de wukuf, il n'y a pas d'arrêt en haqiqa. Et ça, c'est très très important. Il y en a, si tu médites bien sur le kalam d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, ça veut dire que tout le monde avance. Tu avances où? Tu vas où? Tout le monde. Et l'autre demeure. Tous, ceux qui font du bien, ceux qui font du mal. Celui qui est motivé, celui qui n'est pas motivé. Les arabes, les non-arabes, les noirs, les blancs. Tout le monde avance. Hommes, femmes, tout le monde avance. Et ce cheminement, c'est pour... Ou c'est plutôt un déplacement dans une autre demeure. La première demeure, ici-bas, tout le monde avance. Certains ils avancent dans le bon sens, d'autres dans le mauvais sens. Thumma, tout le monde goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma, cette étape, la deuxième, il la tombe, kadhalik, tout le monde avance. Tous ceux qui sont dans leur tombe, le temps il avance. Un jour ils seront ressuscités. Tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala yab'ath man fil qubur. Ça englobe tout le monde. Thumma, tout le monde avance, kadhalik, troisième étape. Tout le monde avancera. Les comptes. Après les comptes, certains ils avanceront, ils traverseront le sirat, d'autres ils rentreront directement fil nar, les kofars, et un troisième groupe, ils commenceront à traverser le sirat et ils tomberont en enfer, certains croyants à cause de leurs péchés. Tout ça on l'a détaillé walillahi alhamd dans les durus de al-aqid. Et ces croyants qui tomberont en enfer, ils sortiront un jour. Wala bud limadha li annahum, c'est des croyants. Donc Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, l'an, il te montre que tout le monde est en déplacement. Daiman. Thumma qala rahimahullah, ma huwa illa marahil tutwa asra tay ila al-janna ou ila al-nar. Et c'est ces étapes qu'on vient de citer. La demeure d'ici-bas, thumma la tombe, thumma le jour du jugement, thumma un groupe en enfer, un groupe au paradis. Qala, فمسرع ومبطي ومتقدم ومتأخر وليس في الطريق واقف البتة. ثم les gens ils sont pas au même niveau. Certains ils avancent très vite, certains ils avancent doucement, certains ils vont à droite, certains ils vont à gauche, certains ils reculent, certains ils avancent. Wahakada. Tout ça c'est par rapport au din. Enfin les croyants. Alhamdoulilah, ils avancent dans le bon sens. Les kuffars, les achats, ils sont dans le mauvais sens. Thumma, les croyants, ils sont différents. Certains, ils avancent très vite, certains, ils avancent moins. Et ta'ammal hal al-mu'minin inda al-ubur al-sirat. C'est exactement ça. Pourquoi certains traverseront très vite le sirat? Par rapport à l'iman, ceux qui ont fait des efforts, fait dunya. Aïe, fait dunya, ils suivaient al-sirat al-mustaqim, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an wa sunnah, très rapidement, et ils faisaient beaucoup d'efforts. Yom Qiyamah, ils traverseront le sirat très rapidement. D'autres, ils avaient des lacunes, ou ils avaient des faiblesses, ou ils ne faisaient pas assez d'efforts. Fid dunya, sur le sirat, ça sera la même chose. Ils traverseront beaucoup plus lentement. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah, wa innama yatakhalafuna fi jihati al-masir wa fi sur'a. Tout le monde avance donc, lakin on est différent dans quoi? Dans la direction et la rapidité. La direction, c'est le droit chemin. Certains prennent le droit chemin, certains prennent le mauvais, yadam billah. Et as-sur'a, c'est la rapidité, et la motivation. Et sur le droit chemin, on n'est pas tous pareils. Mathalan, les prophètes, ils avançaient beaucoup plus rapidement que nous dans leur dîme. On emploie le mot avancer pour rester fi ma'na kalam al-qayyim. La chèque, c'est les adorations, les efforts, il a akhiré. Donc on est différent. Iman yazid wa yanqus. Thumma qala rahimahullah. Il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal. Innaha la ihda al-kubar nadhiran lil-bashar liman sha'a minkum an yataqaddam ou yata'akhar. Ta'ammal hadha. Qala Azza wa Jal. Innaha la ihda al-kubar nadhiran lil-bashar. Fal-insan, Allah subhanahu wa ta'ala, fil-haqiqa, il nous a prévenu fi kitabihi azza wa jal. On aura tous des comptes à rendre. Thumma qala azza wa jal liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé hadha al-Qur'an? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous ses messagers alayhim as-salatu wassalam pour nous prévenir comme on a détaillé wallahi alhamd dans beaucoup de cours sur la série de l'étape des étapes de l'au-delà et autres. Liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Aïe, celui qui prend en compte hada, inshallah, il fera des efforts. L'insan, il est hagada, imma yataqaddam, imma yata'akhkhar. Celui qui veut faire partie de ceux qui avancent, il avancera, bi'idhnillah. Celui qui ne veut pas, il veut rester, iyadun billah, avec les retardataires, ceux qui font aucun effort, ou qui ne veulent pas suivre le droit chemin, fa hada sha'nuh. Lakin, yawm al-qiyama, il assumera. Et il ne pourra pas assumer. C'est ça le musiba. Fait dunya na'am, certaines choses, on peut dire si tu la fais pas, t'assumes. Et l'insan, il assume, il patiente, et ça passe. Al musiba al navi al akhira, il n'y a pas de ça. Isbiru awla tasbiru sawa alaykum. C'est la même chose. Fait yom qiyama, il faut oublier les notions de j'assume, je patienterai. Il n'y a pas de ça. Il n'y a que du adab, que du châtiment, yadam billah. Thumma qala wa lam yadhkur waqifan. صحيح الله سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر اي celui qui veut avancer ou pas. Il y a deux cas, il y a pas un troisième cas, واحد il est neutre. مثلا est-ce qu'on peut dire ان il y a un troisième cas, واحد il est neutre, il ne veut pas adorer Allah عز وجل, il ne veut pas désobéir, il ne veut pas rentrer au paradis, il ne veut pas rentrer en enfer, neutre, ça existe pas. فلهذا الانسان il a pas le choix, il est obligé d'adorer Allah عز وجل. قال إذ لا منزل بين الجنة والنار. يا با دو منزلة بين الجنة والنار. إما الجنة إما النار. حتى أهل الأعراف ceux qui يوم القيامة ils seront dans un endroit entre الجنة والنار. لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas assez de حسنات pour rentrer au paradis et ils n'ont pas fait assez de سيئات pour rentrer en enfer. Et ils sont moitié-moitié, 50-50 dans les péchés et les obéissances, les péchés, les hasanat et les récompenses. Là, ils seront dans un endroit qui s'appelle Al-A'raf. Lakin, la chaque anna, ils rentreront fil jannah. Les madha, les annahum, c'était des croyants et ils ont des hasanat. Lakin, ils seront bloqués à un certain moment. Donc, pour l'éternité, il n'y a pas de troisième demeure. Imma jannah, imma nar. Qala, wa la tariq li salik ila ghayr ad-darayn al-batta faman lam yataqaddam ila hadhihi bil a'mal as-salihah fa huwa mutaakhir ila tilk bil a'mal as-sayyi'ah. Ça c'est une faïda azima. Celui qui ne fait pas des efforts dans son din, il régressera. Ça n'existe pas stable. Limadha li anna al-iman yazidu wa yanqus. Donc celui qui ne fait pas d'effort pour que son iman y monte, il descendra. Tu avances, tu recules. Ça n'existe pas. Je reste stable. Je reste neutre. Ça n'existe pas. On doit faire des efforts. C'est pour ça que je trouve ceux qui ne font pas d'efforts, ils régressent très vite. Léna, tu ne peux pas rester stable. Bardanas, Matalan, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Vous avez remarqué, il fait plus salat à l'heure. Au départ, il fait plus salat au masjid. Vu qu'il ne fait pas d'efforts, thumma, il commence à regrouper la salat. Thumma, il commence à faire toutes les salats la nuit. Thumma, il arrête la salat. L'imam, il descend, ayyadun billah. Aqidat ahl sunnah. Et hakadal iman, il monte. Tu trouves wahid au départ, il fait salat à l'heure, il a du mal à aller au masjid au départ. Il va une salat, il va pas la deuxième. Il fait des efforts, hatta alhamdulillah, il fait les cinq salawat au masjid. Thumma, il fait des efforts, il commence à être régulé dans un nawafil. Il fait la rawatib avant les salats obligatoires, après les salats obligatoires, salat duha, salat l'ouitr, qiyam al-layl. Wahakada, l'iman alayl nasu, iman y monte. Fa imma hada, imma hada. Qala rahimahullah, fa in qulta, kullu majdin fi talabi shay'in labud an yu'rid lahu waqfa wa futur, thumma yanhad ila talabih. Qultu labud min dhalik. Sahih. Wahad, il peut se poser la question. Lakin, on est des êtres humains. On peut pas toujours faire des efforts. Là, je sais qu'on a des faiblesses. Ahyanan, on a de la fatigue. Ahyanan, on a de la paresse. Ahyanan, on a des manquements. C'est tout à fait normal. On est des êtres humains. Qala ibn al-Qayyim, rahimahullah, labud min dalik. Et il lui a dit ça. Il a répondu à la question, sahih. C'est obligatoire. Lakin, ismi' qala wa lakin sahib al-waqfa lahu halan. Celui qui a des temps d'arrêt, ou ceux plutôt qui ont des temps d'arrêt, ils sont de deux cas, deux catégories. Ils ont des arrêts, mathalan, ils ont des faiblesses, ahyanan. Ils progressent, ils font des efforts. Thumma, un jour, il est fatigué, il est paresseux. Ça arrive à tout le monde. Lakin, haoula, ils sont de deux cas. Qala, imma, an yaqif, li yajumma nafsa, wa yu'idduha li sayr, fa hada waqfatuhu sayr. Fal haqiqa, hada, celui qui prend cette pause, fal haqiqa, c'est pour mieux repartir. Vu que c'est un être humain, il ne peut pas toujours faire des efforts. Lakin, quand il s'arrête, al-haqiqa, c'est pour reprendre des forces, et le fait qu'il s'arrêtait, c'est pour mieux repartir. C'est comme quand tu es en voyage. Tu peux pas toujours rouler en voiture. C'est pas possible. Tu es obligé de t'arrêter. Tu peux pas, à l'époque, quand ils étaient sur leur monture, sur des chameaux, sur des ânes, sur des chevaux, ils pouvaient pas toujours, tu es obligé de faire des pauses. Cette pause, c'est pour mieux repartir. Qala, fahadihi waqfatuhu, fahada waqfatuhu sayr. Al-waqfa, c'est l'arrêt, al-sayr, c'est avancer. ولا تضره الوقفة. Le fait qu'il s'arrête أحيانا, ça lui fait aucun mal. فإن لكل عمل شرة. Ça c'est un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قوله لكل عمل شرة. C'est un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. تأمل ce hadith. On le répète et on va le compléter. لأن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه il a cité qu'une partie. فقال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة. الشرة سي النشاط والحرص أي la motivation et être énergétique et faire beaucoup, c'est ça قوله الشرة. فلكل عمل شرة أي quand tu fais un mal tu trouveras toujours un moment où tu es motivé, tu as de la force إلى آخر, tu avances. قال ولكل شرة فترة. Chaque motivation elle sera marquée par des temps d'arrêt. ولا بد. T'es un être humain. T'es motivé. Prends l'exemple du ilm. T'es motivé, il a arrivé à un certain moment, certains jours, certaines heures, tu fatigues. Tu ralentis. C'est tout à fait normal. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى السنة فقد أفلح. Celui dont cette pause, cette faiblesse, ce manque d'énergie, de motivation, il est fait sunnat de النبي صلى الله عليه وسلم, il réussira. ثم قال ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. Celui qui quand il ralentit, quand il baisse, c'est pas dans sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam, هذا il peut périr. Un exemple pour illustrer هذا المعنى. مثلا تطلب العلم. Ça arrive souvent. العلم c'est من اعظم العبادات. C'est une adoration très très importante. La chaque anna khassatan au départ tu trouveras beaucoup de motivation. Dans la mémorisation du Coran, des hadiths, dans les durus, dans la révision, le voit au début des livres. Au début du livre, en général, c'est pas comme à la fin. Le mudarris, c'est les élèves. C'est pas la même motivation. Les anna, on est des êtres humains. Enfin, fil ilm, tu auras beaucoup de périodes, et tu demandes à Allah Azza wa Jalla tawfiq, tu auras had al-nashad, cette motivation. Arrivé à un moment, c'est tout à fait normal. Maintenant, au bout d'un mois, deux mois, ça peut venir tous les trois mois, tous les six mois, ça dépend l'insan. Tu as de la faiblesse. T'arrives plus à apprendre par cœur. Tu as du mal à faire certaines choses. Si on prend l'exemple de l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur, ça demande un énorme effort. De la concentration et de la régularité. Maintenant, tu peux arriver, ça fait deux semaines, trois semaines, un mois que tu apprends par cœur. Tu sens un coup de mou. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته الى السنه فقد افلح. C'est tout à fait normal. لكن ce coup de mou que tu as, cet arrêt, applique sunnah du Nabi صلى الله عليه وسلم. Tu n'arrêtes pas la mémorisation et tu vas faire du haram. Ça c'est قوله فقد هلك, tu peux périr. T'arrêtes de mémoriser pendant un jour, deux jours et au lieu de mémoriser, écoute un dars. Lis un livre, lis une fatwa d'un savant, lis la biographie des salaf. La biographie du prophète, alayhi salam. Rends visite à un frère. Rends visite à tes parents. Maintenant, un tas, tu sens que tu as un coup de mou et aujourd'hui, tu peux pas apprendre, t'essayes, tu sens que t'es fatigué, tu te connais, ça arrive à hiyanan. Enfin, tu fermes le livre. Et, on considère que tes parents, ils sont pas loin, rends visite à tes parents. Achète-leur un cadeau sur Tariq, rends leur visite. Tu achètes un cadeau pour eux, c'est une énorme sunnah, tu vas leur faire plaisir. Tu leur rends visite, c'est une énorme sunnah, tu as des hasanat. Probablement tu vas rester une heure, deux heures ma'ahoum, thumma tu rentres chez toi, tu manges la akhiré, tu fais certaines choses, kadhalik, chez toi ils ont besoin, tu fais des courses la akhiré, le lendemain tu reprends, tu es fait khair adhim. Hey, le jour où tu as des faiblesses, tu as un manque de motivation, tu appliques d'autres sunnah. Mais s'entêter dans ce cas-là et vouloir forcer, ça sert à rien. Tu peux pas. Al-hifz, il faut que ça soit de bon cœur, il faut qu'il soit motivé, sinon ça rentre pas. Et on considère que tu n'as pas appris un jour par cœur. Ça te fera aucun mal. Belle, tu peux remplacer par des choses de très très profitables. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On finit la parole d'Ibn al-Qayyim. قال وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه. ثم Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه continue. فقال وإما أن يقف. S'il avance plus, il s'arrêtera. Et on a dit, c'est tout à fait normal. Pendant cet arrêt, essaye de faire des efforts dans autre chose. D'autres choses plus simples, plus faciles. Maintenant, une sortie, comme on a cité, là, après. Et un autre cas, yadam billah, yaqif li da'in da'a. Certains, ils s'arrêtent les mains là, les anna. Quelqu'un les appelle. C'est qui ce quelqu'un? Qal wa jadhib jadhabahu min khalfih. Et wahad, il vient, il le tire. قال فإن أجابه أخره ولا بد. Si tu réponds, il te retardera ولا بد. Et là, chaque si c'est une personne mauvaise, فعياذا بالله, tu peux périr معه. Si c'est une personne même qui a du khair et tu te retournes et tu lui réponds, là chaque tu n'avanceras plus. C'est pour ça que talabul ilm, si on garde cet exemple très très important, tu ne dois pas répondre à tout le monde. Le premier qui t'appelle, le premier qui تمشي معه. Tu es obligé d'avoir un programme et un seir pour avancer. C'est pas que l'ilm. Dans beaucoup de choses. L'insan, il fait attention. Houna. Dans ce passage, tu comprends l'importance des priorités. Un moment donné, s'ils font une chose, un coup de téléphone, ils arrêtent tout. Robama, c'est pas important. Là, coup de téléphone, Houna, t'es pas obligé de répondre à tout. Et même si tu réponds, t'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te demande. Là, j'ai quelque chose à faire. Sahih, tu as des choses à faire importantes. Et Inch'Allah, plus tard. Et tu mets chaque chose à sa place. قال رحمه الله فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الراكب له وعلى تأخره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع. ثم certains ils s'arrêtent et ربما ils ont des manquements et ils font pas ce qu'on a cité précédemment, ils remplacent par quelque chose de bien. Là, ils ont des faiblesses, لكن ils se rappellent. Ça arrive. هذا قال ابن القيم رحمه الله نهض نهضة الغضبان. Thumma il se relève et il est en colère contre lui-même, limada, les anahu, il a manqué tel jour, telle heure, tel dars. Ça, c'est min alamat al-khayr. Hada, fil haqiqa, il va très vite se reprendre et, alhamdulillah, il va avancer. Et il va rattraper les autres. Le fait qu'il s'arrête un jour, deux jours, mais idnillahi azza wa jal, il rattrapera. قال ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب. Et ça, c'est important d'avoir des objectifs. Bien sûr, on doit faire pour Allah Azza wa Jalla, mais la tarda li nafsik d'être toujours le dernier. Les gens, ils avancent, les gens, ils sont fi khair. Et anta, tu es le dernier. Là, fais des efforts pour être avec tes frères, al-mu'minoun, les croyants, et être bi'idna Azza wa Jalla parmi les premiers. Fastabiqul khairat. Et at-tanafus fi al-amal saliha, c'est ma'rouf. Qala. وأصغى إليه لم يرضى رده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركة. أما si celui qui l'appelle, il l'appelle à des mauvaises choses, ou il l'appelle yadan billah pour le suivre dans certains péchés, هذا ça arrive كثيرا au début de l'istiqam, لأن الشياطين الإنس والجن, ils n'aiment pas ceux qui suivent le droit chemin. Au départ, au début de l'istiqamah, tu vas entendre cet appel. Ta'al, viens, on sort, viens, on va voir un tel une dernière fois, après t'arrêteras. Et hakada, si tu écoutes fi hadha al-hal, rubbama hadha al-jalis as-su, cette mauvaise fréquentation, elle te ralentit, belle, elle te sort complètement de ce chemin. فالله سبحانه وتعالى المقدم المؤخر. C'est pour ça que Ibn Qayyim رحمه الله عليه il a cité هذه المعاني العظيمة. فالإنسان يطلب من الله, il demande à Allah سبحانه وتعالى أن ييسر له هذا السير. Tu demandes à Allah سبحانه وتعالى يثبت قلبك, qui te facilite. الحقيقة on est comme des voyageurs, كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. On est comme des voyageurs. Et النبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré أن hadith Ibn Umar, plutôt Ibn Umar radiyallahu anhu, il a rajouté, si tu es le matin, n'attends pas le soir, si tu es le soir, n'attends pas le matin. Tout ça pourquoi? Pour avancer fi hadha as-sayr. Il y a des choses qui ralentissent. Ibn Qayyim rahimahullah, il a cité le mauvais compagnon. Kadhalik, parmi les choses qui peuvent nous ralentir, c'est at-taswif. Au lieu d'avancer, toujours demain. Ba'd an-nas matalan, fais la salat. Arrête de faire telle chose. Apprends ton dîn, assiste à tel dors, va rendre visite à tes parents, va rendre visite à un tel, réconcilie-toi avec un tel, demain, mais demain, Inch'Allah, je ferai demain. L'année prochaine, le prochain Ramadan, il voudra prendre des nouvelles résolutions. C'est pas comme ça. Qui c'est qui t'a dit que t'allais vivre? Ça, c'est min taswif, shaitan. Taswif, ça vient de sauva, et plus tard. Jusqu'à l'insan, il meurt et il a rien fait. Kadhalik, mimma. يؤخر الانسان parmi les causes c'est سوء الظن بالله عز وجل. انا الانسان il pense qu'il pourra pas. Fais telle chose, avance. Là, انا je peux pas et j'y arriverai pas et c'est pas pour moi. Ça c'est من الشيطان. الله سبحانه وتعالى il nous a tout facilité. Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Tu peux pas, الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Tu peux pas, الله سبحانه وتعالى il te pardonne si tu peux vraiment pas. Lakin fais ce que tu peux. أما au nom de je ne peux pas, l'insan il fait rien, ça c'est من الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق والسداد. Et on passe à notre deuxième dars بإذن الله عز وجل. مدارج السالكين المجلد الأول. الإمام ابن القيم رحمه الله il a cité هذا الكلام المفيد.